Le rap, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est de la bouffe, c'est du taf, c'est du sport, ça me rend soif. C'est tout ce qu'il me faut pour garder la forme. Dans les normes, on rappe et on grade des textes énormes. Le rap, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est de la bouffe, c'est du taf, c'est du sport, ça me rend soif. C'est tout ce qu'il me faut pour garder la forme. Dans les normes, on rappe et on grade des textes énormes. Allô meuf, on a une mission pour vous. Vous êtes libre? Si, si, là je suis dispo, c'est quoi le truc? Encore une scène où les gens applaudissent pas, c'est où le plan? Vitry, j'ai un particulier. C'est suspect, attends, garde la vibe en suspens. Je vérifie sur le plan, l'INSEE. C'est ça, une demi-heure de massif. C'est bon ça, je dois y être quand? Je prends des textes ou quoi? Non, non, vous écrivez sur place. Ok, alors je verrai sur ta. Et y'a d'autres MC là-bas? Rogène, Lécart, Nergy et Wado. Ça me rassure pas, y'a du niveau, je connais les quatre noms. Mais de toute façon, je veux faire du bon son. Je rappe par intérim, mais j'ai toujours rempli mes missions. Et Miss, oui, dis-leur que j'arrive avec le flow de Jarod. Le hip-hop, ma drogue, quelque part, si je suis déjà ivre, c'est à quelle heure? Attendez, je les appelle. Si, si, j'ai le mental d'un killer. Pendant que tu es dealer, que c'est. J'ai un truc en moi, le don que j'ai en main. Non, non, des lots, donc font que j'appelle. J'suis un truc perso que je me sauve dans une planète. Retourner la tête, que j'vois pas de dette. Et là, en fait, tu crois que c'est le pet, c'est la buvette. D'espé, Wano du dispé sera plus dispo. Et quand je serai sur scène ou en studio avec mes 10 potes, que je tease et que je sois foncé, que j'écris un texte et en 10 minutes mon texte est fondé. Et je me tape un bad trip, ego trip, et les autres trip, et l'ego flip. Et je me crois pour Brad Pitt, je suis perdu. Donc ce moment là, je ne vois plus. J'écris noir sur blanc, mais jaune noir comme si je suis dans le coffre d'une voiture. Le lendemain, je me réveille, je dormais dans un train avec mes potes. Ils me disent que j'ai bien rappé, mais trop, donc je les ai boycott. Ah bon, c'est ça mon don, voilà ce que j'avais entre les mains. Je chante tranquillement, donne, voilà des specs, j'entre bien tout le monde. Le rap, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est de la bouffe, c'est du taf, c'est du sport, ça me rend soif. C'est tout ce qu'il me faut pour garder la forme. Dans les normes, on rappe et on grade des textes énormes. Le rap, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est de la bouffe, c'est du taf, c'est du sport, ça me rend soif. C'est tout ce qu'il me faut pour garder la forme. Dans les normes, on rappe et on grade des textes énormes. Faut que je passe à table, tant mieux, parce que j'avais faim. Donne-moi le lieu de ton resto et je me déplace en pépin. Faut dire que depuis le jour où j'ai goûté cette nourriture, j'ai la dalle qui revient quand je digère, je voudrais que ça dure. Tous ces moments où j'en mange sans excès. Si tu m'interromps en plein repas, tu peux me vexer. Pour être honnête, je me vois mal, on baisse de régime. Considère-moi comme l'un de ces boulémiques anonymes qui passe toutes ces journées à grignoter, siroter tout ce qui est de la qualité en quantité. J'avale tout ce qu'il y a dans mon assiette. Les gens s'inquiètent quand ils voient mon appétit et le peu de miettes. Je kiffe dévorer seul dans mon coin. Si le plateau est bien servi, j'invite mes potes au gratin. Pas un kilo de plus, je ne grossis pas, tu vois. Je me demande si un jour j'arriverai à prendre du poids. Le rap, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est de la bouffe, c'est du taf, c'est du sport, ça me rend soif. C'est tout ce qu'il me faut pour garder la forme. Dans les normes, on rappe et on grade des textes énormes. Le rap, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est de la bouffe, c'est du taf, c'est du sport, ça me rend soif. C'est tout ce qu'il me faut pour garder la forme. Dans les normes, on rappe et on grade des textes énormes. Derrière la porte de notre vestiaire, injection de peu de cheese et de bière. Tout le monde l'espère, on doit tenir une saison entière. Rester en équipe première, le plus souvent être titulaire. On a quelquefois des petits problèmes articulaires, vu qu'on se donne à fond dans des phases spectaculaires. Collectif tentaculaire, il faut trop de tac, on les a mis en colère. On leur a mis 3 buts dans les molaires. On s'entraînait, il se passait de la crème solaire. On fait chaque match un sommore, à notre public cimère. Mais certains sont dans un sale délire, nique sa mère. Ne connaissent même pas le premier mot du dictionnaire. Mais dans ce boulot, 2-3 sont devenus millionnaires. Pourquoi pas nous? Et c'est le 4ème but sur corner. Moi je suis pour rien, Rogène, aka Ed Warner. Dans le championnat, on lutte contre Sony, Virgin et Warner. Peu importe ta langue, tu comprends Warguerre. Les coups d'envoi, au revoir. Le rap, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est de la bouffe, c'est du taf, c'est du sport, ça me rend soif. C'est tout ce qu'il me faut pour garder la forme. Dans les normes, on rappe et on grade des textes énormes. Le rap, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est de la bouffe, c'est du taf, c'est du sport, ça me rend soif. C'est tout ce qu'il me faut pour garder la forme. Dans les normes, on rappe et on grade des textes énormes. J'fume trop, c'est viscéral, un besoin vital. Quand je tape l'instrumental, une vodka pomme, puis de la bouffe vitale. Comme je suis hal, je fais l'ingé, car le hip-hop c'est mon graal. Mais si je perds le fil de mes phrases, comment le m'écrase, le rap c'est du père plus de 100 fois. Comme les clés de chez moi, finir en bas, clochard sans toi. Rappeur sans test, comment tu bases bug, je me vexe. Je suis pas l'ex des speeders, j'ai eu tort de lutter contre Freezer. Mais je n'ai pas peur car je me perds, je m'occupe de leur sort en enfer. Les gars travaillent pour que chacun pose ses vers, et pose ses vers. Tant qu'il reste des concurrents à mettre à terre, je réécrirai ses vers. Dispersé, trop foncé, j'ai trop gamberché. Oublié mon passé, reviens me hanter. Même si je ne trouve plus d'entrée, je suis plus prêt de raccrocher. Le rap, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est de la bouffe, c'est du taf, c'est du sport, ça me rend soi.